Radiomatique. Transmission 499 d'Audiomatique s'ouvrait sur la musique de la formation Las Amigas de Nadi, de laquelle nous entendions la pièce titre de l'album Human Dress, paru en 2014. Et maintenant, c'est au tour de l'artiste anglaise Beth Gibbons d'assurer la continuité à Audiomatique. Just Something is there. A human across the roads of flesh. Imagining the bitterness, temptation, melancholic. I thought I was every day controlled by. Human across the roads of flesh. Imagining the bitterness, temptation, melancholy. I thought I was every day. Nous avions droit à Audiomatique, à l'artiste anglaise Keeley Forsyth, de qui nous entendions la chanson In the Corner, extraite de son troisième album The Hollow, paru le 10 mai 2024. Précédemment à Keeley Forsyth, il s'agissait du groupe américain Shannon and the Clams et la pièce The Hourglass, tirée de son septième album studio, sorti le 10 mai 2024. The Moon is in the Wrong Place. Et pour amorcer ce bloc musical, nous avions droit à nul autre que Beth Gibbons, bien sûr connue comme étant la chanteuse du groupe Portishead. De son premier vrai album solo intitulé Lives Outgrown et lancé le 17 mai 2024, nous vous avons présenté la chanson For Sale. À Audiomatique, nous poursuivons cette fois avec l'artiste américain Alan Bruffman. C'était à Audiomatic l'artiste suisse Alain Monod, qui a fait partie du groupe The Young Gods de 1989 à 2012 et qui a également créé sous le pseudonyme All Comet. De l'album White Planet d'Al Comet, paru en 2004, nous écoutions la pièce New Answers. Et pour débuter cette séquence, nous vous avons offert la pièce Spirits, qui apparaît sur le plus récent album du saxophoniste et flûtiste américain Alan Brofman, qui s'intitule Infinite Love, Infinite Tears, et qui a été lancé le 17 mai 2024. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique composée par le percussionniste péruvien Manongo Mujica. Thank you. Audiomatic, cette longue séquence de deux pièces se concluait sur la musique de la formation Control Bleeding, plus particulièrement sur une composition en duo de deux de ses membres, à savoir Paul Lemos et Feu Joe Papa. La composition se nomme Under Heaven et apparaît à l'origine sur l'album Music for Stolen Icon, paru en 1986, et on peut aussi la retrouver sur l'album compilation Songs from the Vault, paru en 1994. Avant cela, nous écoutions la composition Rio Madre de Dios de l'artiste et percussionniste Manongo Mujica. On peut retrouver celle-ci sur l'album intitulé Tribal et publié en 1996. Cette transmission d'Audiomatique tire à sa toute fin, puisqu'il nous reste une courte pièce à entendre, et ce sera Tribal Warfare, composée par le groupe Orange Sector. La pièce apparaît sur l'album Krieg und Frieden, paru en 2010. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain dès 17h pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/audiomaticcfou si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Voici donc Orange Sector et la pièce Tribal Warfare. C'était Audiomatique avec les sonoristes.